tant qu'à déranger les ondes, autant le faire avec mes côtés anges et démons. Je te sens stressé, je te vois tronger les ongles. C'est l'heure de se venger, l'heure de manger les mondes. Ok, si t'es prêt, tu peux écouter mes sons. Tu peux les foutre à fond dans ta caisse, dans ta maison, si ça peut t'aider. Quand t'es mal, si ça te donne une raison supplémentaire. Et si t'es con, je me passe de commentaires. Je veux que ça pète un peu partout, qu'on pèse même si les tarés tous disent qu'il est taré pour 10, c'est pas besoin de partout. Faut pas que tu sois pareil quand j'apparais, toujours dans l'ombre ou derrière quand je rends l'appareil. Alors sonore et l'éclipse, pendant un court instant j'assombris les vivants. Dommage que j'ai l'air gentil dans l'équipe. J'ai pas envie de changer, ça sert à rien de remettre les compteurs à zéro dès le 1er janvier. Si tu rappes depuis 10 ans, tu te sens à ton apogée. Alors moi je suis là depuis l'ère cambrien ou depuis la Pangée. Je me sens jamais en danger, non, sauf quand j'ai les symptômes d'un AVC ou d'un truc dans le genre. Moi je vais des grammes dans le sang, faire auto-juir en permanence. Tu veux que ce soit magique, je sais où est ton point G. Je veux être soumis à la tentation, sans résister, exister, voir mon patron se noyer dans ses réflexions. Tu veux choisir entre la gauche et la droite, c'est comme choisir entre un cancer de la gorge et de la rate. Et wake up, wake up, j'suis fatigué de naissance et ma chute s'amorce. On dormira quand on sera mort, j'me contente du minimum. Comme d'hab, satisfait quand j'ai les punchlines qui dégomment. Sauf qu'apparemment j'déconne, il paraît que j'vis dans un autre monde irréel. En solo in-game, j'ai besoin d'un co-player IRL, partisan du moindre effort. Parce que même en donnant tout sa foire, en gros j'suis le résumé de l'histoire. Un champ de bataille, des ruines, quelques victoires et un échec final. Je pensais vraiment pas que ça ferait si mal. Donc je suis de moins en moins convaincu que la mort fasse pire. Ici tu sais, si t'as pas d'armes, ceux qui sont en face tirent quand même. En fait je préfère qu'on me déteste quand même. Je suis toujours en train de courir pendant que les autres se promènent. C'est de la souffrance, c'est fou, cherche pas à m'égayer. Mon rap fait peur à ces fous, tu l'entends bégayer. J'aimerais que ma vue baisse plus rapidement. Pour l'instant je vois des points, des étoiles, des barres. Je me sens pas très bien dans le blanc. Je fais pas semblant, j'ai la tristesse du monde dans le sang. Dérangé, 7 milliards d'humains, un seul étranger. Depuis le départ, j'ai plus la défaite, mais je suis encore debout. J'ai commencé en 97, on est en 2012.